Il y a deux roses qui sont là, posées sur mon bureau. Deux petites roses en bois, et elles se souviennent comme moi. J'avais offert une de leurs sœurs jumelles, une autre rose en bois, à une petite rousse dans un café pétard, un café chicha. Merde, 11 euros, ça me paraît pas donné quand même pour une chicha, mais bon. Je l'avais rencontrée, je la trouvais juste jolie, une sentimentale punk diaphane qui s'intitulait Diane. Je lui offrais une rose, elle me raccompagnait chez moi, et s'en est suivi un mois de passion. J'ai fini par lui toucher le cul et les nichons. Et ça s'est arrêté là, mais je l'ai aimée. Mais elle m'a pris pour un psychopathe à cause de mes chansons, comme toutes les autres. Il y a deux roses qui sont là, posées sur mon bureau. Deux petites roses en bois. Non, je suis pas un psychopathe. Hein. Elles se souviennent comme moi. J'ai écouté de la musique satanique toute la nuit, pourtant je crois tellement en Dieu, mais c'est compliqué, c'est compliqué aujourd'hui de trouver des musiques aux accords qui ne soient pas dissonants, satanifiants, décourageants, c'est pas évident. Mon chien dort dans sa rêverie, il pense à un os, à un petit panier pour s'endormir. Mon chien est trop mignon, eh oui vous ne rêvez pas, je viens bien de dire mon chien est trop mignon. Mais les paroles se suffisent à elles-mêmes, non? C'est exactement ce que je pense. Il y a deux roses qui sont là, posées sur mon bureau. Vraiment. Deux petites roses en bois, et elles se souviennent comme moi. Père aussi écrivait ce qui lui passait par la tête pour se défouler. Ma mère aussi peignait des toiles. Enfin, tout le monde, je crois, l'adage « suis-je un fou ou un génie ?» se transforme en « suis-je commun ou suis-je commun ?» Bonne question. Je suis commun, sans doute. Oui. Mais il n'empêche que je vous aime et vous respecte. Vous emmerde et vous respecte. Vous vous emmerde et retourne écouter ma musique tout seul au mois de mai. Tant mieux ou tant pis, mais j'y vais. Allez, allez, allez. Il y a deux roses qui sont là, posées sur mon bureau. Deux petites roses en bois, et elles se souviennent comme moi. Elles se souviennent de toutes ces années devant mon synthé à chanter.